des écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, man. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, man. Mes écrits recherchés, le RAP m'a pris en filature. Donc je lui ai laissé en bas de chaque page une petite signature. Alexa, tu, puisqu'il fait, c'est parti pour que ça dure. Ouais, c'est dans ma nature, mon exutoire. Avant qu'on m'exécute, je m'accentue. Mais je te parle pas de l'esthétique ni de mon statut. Je veux exister, ne pas rester statique. C'est authentiquement que je récite ma vie, ma triste. On reconnaît peu les vrais artistes et je suis pas sûr que j'ai tout compris depuis que le hasard m'a conquis. Mais je suis conscient de ce qu'on vit et moi c'est pas la gloire que je vise. Je fais des fautes et mon espoir on les corrige. Je me plains plus parce que j'ai vécu trop de choses horribles et mon histoire elle est inqualifiable. Chaque jour je réalise que j'ai peu d'amis fiables et j'arrive pas à me dire que le ciel a gratifié ma vie. Moi je représente tout ce que t'as signifiant. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci, man. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci. Mes écrits sont subtils depuis que le rap est devenu susceptible. Si stupide, moi j'écris ce que tu dis, ma pupille, rien de sublime. Cette époque où il y a tant de supplices, trop de gens qui supplient. Et moi je te dis que je t'aime le plus petit. Subsistance sans besoin de subside et je supplie, c'est que je trouve la paix au fond de mes suppliques. Et je m'applique, je donne pas mon corps, oui je reste pudique. Et je t'assure que je m'adresse toujours au même public. C'est l'essentiel, oui j'assume tout ce que j'ai pu dire. Le ciel m'a puni, mais je suis conscient que beaucoup ont vu pire. La vie est une surprise, il suffit de peu pour qu'elle te quitte. Tu crois réussir pendant que tu te suicides. Et j'ai su vite que c'est dur d'être lucide. J'ai lu entre les lignes que le savoir est le plus gros fusil. Je remercie moi de ne pouvoir dire que le frigo fut vide. Pendant que je lui promets que ma musique n'est pas inutile. L'exhaleur, yeah. Mes écrits recherchés, voilà. Et ouais le rap me poursuit moi. Je fais pas des tours sans prendre raccourci, man. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci, man. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci, man. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci, man. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, moi. J'ai pas des tours sans prendre raccourci. Je tiens le coup, j'y arrive ce coup-ci. Un jour viendra, je vivrai sans souci. Chaque jour, je tiens le coup, j'y arrive ce coup-ci. Un jour viendra, je vivrai sans souci. Mes écrits recherchés, mes écrits recherchés. L'esprit critique. L'exhaleur. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, man. Mes écrits recherchés depuis que le rap me poursuit, man.